Chapitre 19e. Ma première visite, après que nous fûmes arrivés à Paris, fut pour la mairie de mon ancien arrondissement, car je ne voulais souffrir aucun retard. Malheureusement, ce changement imprévu de domicile causa d'assez longs délais. Ma seconde visite fut pour mon ami Aubaret, qui ne parut pas trop surpris de me voir. « Je vous avais averti, me dit-il, que vous n'étiez pas propre à ce métier difficile, surtout en France. Vous êtes impatient. » Vous ne savez pas retenir le premier mouvement, vous êtes indocile, ou, si vous voulez, indépendant d'esprit et de caractère. Tôt ou tard, vous deviez déplaire à vos chefs, et au premier témoignage de mécontentement qu'ils vous donneraient, vous deviez les envoyer au diable, ce que vous avez fait avec une promptitude extraordinaire. Eh bien, mon cher ami, il faut quitter sinon l'enseignement, du moins la France, pour 3 ou 4 ans. Dans l'intervalle, vous irez en Suisse, où je vous ferai donner une place de professeur adjoint d'histoire à l'université de Zurich. Justement, un de mes amis qui habite Zurich m'a écrit pour me demander quelqu'un qui fût propre à cet emploi. Votre traitement sera convenable. Vous vivrez de plein pied avec les plus honnêtes gens et les plus libéraux de la Confédération suisse. Vous serez bien traité. Les Suisses sont flegmatiques et ont du respect pour la science. Pendant ce temps, des jours meilleurs viendront pour l'université. On se dégoûtera vite en France du système actuel, qui livre tout au clergé et à ses créatures. Le gouvernement reconnaîtra sa faute en voyant les exigences des prêtres. Vous êtes jeune, vous pourrez attendre et profiter de ce retour de faveur. Dans tous les cas, vous mènerez en pays libre une vie très paisible, très studieuse et très agréable. Allons, répondez, est-ce décidé? Je vais écrire à Zurich aujourd'hui même. Je me hâtai d'accepter cette offre et de remercier ce généreux ami. 8 jours après, j'étais installé dans ma chaire de Zurich et je bénissais le ciel. L'or m'avait suivi, mais sous le nom de fiancé pour éviter toute méprise nouvelle, et elle logeait dans une maison séparée de mon logement par 4 ou 5 rues. Cette fois, l'erreur des gens de Rochebaron n'était plus possible. Du reste, en attendant notre mariage qui était proche, mais que retardaient encore quelques formalités indispensables, je passais toutes mes soirées avec elle, sans que personne y trouvât à redire, grâce à la liberté dont jouissent les Suissesses, et nous jouissions d'un bonheur parfait, lorsque matin je reçus de ma sœur Henriette la lettre suivante, qui était entourée de noir, et qui avait passé par Rochebaron avant d'arriver à Zurich. Nouvelle-Orléans, 16 février. Chère maman, la lettre était adressée à ma mère, dont Henriette ignorait la mort. Chère maman, mon malheur est au comble, et je suis désespéré. Caius, mon pauvre Caius, vient de mourir dans mes bras des suites du choc affreux qu'il avait reçu dans l'incendie du steamer Tennessee. Il est allé trop tôt jouer du corps au théâtre où on l'avait engagé. Il a fait un effort violent. Un vaisseau s'est rompu dans sa poitrine et le sang l'a étouffé. Il est là, sous mes yeux, déjà glacé par la mort, et je suis seul sur la terre. Cher et bon Caius, aimable et gai compagnon de ma vie, je l'ai perdu, et je ne puis encore me le persuader. Moi-même, je n'ai pas, je crois, longtemps à vivre, car j'ai passé 2 mois à veiller jour et nuit sur Caius, pendant qu'il était blessé et couché dans son lit. Hélas, c'est pour s'être cru trop tôt guéri qu'il est mort. Aussi, je suis si pâle et si languissante que le médecin m'a conseillé, je crois qu'il ne veut pas être témoin de ma mort, de repartir pour la France. « Vous êtes malade de désespoir, » m'a-t-il dit. « La vue de la France et de vos amis vous guérira peut-être. » Malheureusement, je n'ai plus d'argent pour suivre ce conseil. Le passage coûte cher, et je reste comme un blessé sur le champ de bataille, ne trouvant personne qui puisse me porter à l'ambulance. Pour comble, ma voix, que Caius trouvait si belle autrefois, est aujourd'hui presque éteinte. Adieu les concerts. Je ne me ferai même plus entendre dans un salon. Et quel métier de chanter quand on a la mort dans le cœur et sous les yeux, et de réjouir des gens riches et bien repus qui vous écoutent en bâillant et qui ne distingueraient pas la Marseillaise de femme sensible. Adieu, maman. Adieu, mon bon Gaston Phébus, et toi, Laure, vous tous, que j'aimais tant. Adieu. Si vous ne recevez pas de lettres de moi, souvenez-vous quelquefois de votre pauvre Henriette Schweitzer. Hôtel Lafourche, 3e avenue, 5e rue. J'ai oublié de vous dire, hélas, dans le triste état où je suis, est-ce un bonheur ou un malheur? Je suis enceinte de 6 mois, et les craintes pour l'avenir de mon enfant se joignent maintenant à toutes les autres. Qu'on se rappelle par quelle série d'accidents déplorables toute ma famille et moi-même nous venions d'être éprouvés depuis quelques mois, et l'on comprendra de quel coup je fus frappé en recevant cette triste lettre. Je m'étais cru depuis 2 mois le plus malheureux des hommes, mais si l'on excepte la mort de ma mère, tout le reste n'était que simple contrariété auprès de ce que ma sœur venait de subir. Je commençais alors, oui, je commençais pour la première fois, je l'avoue, à désespérer de la Providence. Je crus et je crois encore qu'un mauvais destin me poursuit et ne me laisse aucun repos. Je donnai la lettre alors et j'attendis en silence sa décision. « Mon ami, dit-elle, il ne faut pas hésiter, il faut partir. Henriette est seule, malade, sans argent, sans amis. Elle est trop faible pour revenir seule. Il faut aller au-devant d'elle et la ramener. » Et comme je ne répondais rien, « Écoute, mon ami, continua-t-elle, le devoir passe avant l'amour. Si tu m'aimes, tu vas dès aujourd'hui demander un congé. Si l'on te le refuse, et je ne crois pas que cela arrive, tu donneras ta démission, car il n'est pas possible d'abandonner Henriette. Ne me dis pas qu'il suffit d'envoyer de l'argent pour son retour. Qui sait en quel état elle se trouve? Et cet enfant, ce malheureux enfant, qui peut-être en naissant, non, mon bon Gaston Phébus, cette pensée est affreuse. Va donc, je t'attendrai, tu le sais, jusqu'à la mort. Mais, dis-je, car un secret instinct me faisait deviner l'avenir, si j'attendais que nous fussions mariés. Y penses-tu? Répliqua-t-elle. Grâce aux lenteurs des bureaux, nous ne pourrons pas nous marier avant 1 mois. Dans cet intervalle, sais-tu quel nouveau malheur peut frapper Henriette? Et si ce retard allait causer sa mort, quel éternel repentir? Va, pars. Je cédai. Que pouvais-je répondre? L'essuie sur la bonté de me laisser partir et de me promettre que ma place ne serait donnée à personne, si ce n'est provisoirement, tant que je n'aurais pas offert ma démission. Enfin, je partis le lendemain avec 1000 serments de revenir par le prochain bateau à vapeur. J'embrassai Laure une dernière fois, en cachant autant que je pouvais mon désespoir de la quitter. Elle-même, non, je crois qu'elle était sincère, elle-même avait les yeux mouillés de larmes, et me jura qu'elle m'aimait et m'aimerait éternellement. Comment a-t-elle pu oublier si vite ce serment? Mon récit touche à sa fin. Car pourquoi raconter longuement des aventures qui n'intéressent personne? Le vaisseau marchand sur lequel j'étais parti, l'Antarctique, fit naufrage sur la côte de Cuba. Corps et biens, tout périt, excepté moi. Le hasard me fit rencontrer une poutre qui flottait sur l'eau. Je m'y accrochai. Je fus poussé vers le rivage et poussé sur le sable, à demi nu, sans vêtements et sans argent. De là, recueilli par des nègres, et guéri par eux de la fièvre jaune sous ce climat funeste aux Européens, je me traînai jusqu'à la Havane, où je vécus à grand-peine pendant 2 ans, cherchant toujours soit à retourner en France, soit à passer aux États-Unis. Après 2 ans, j'avais amassé 300 ou 400 dollars. J'allais en Louisiane. À l'hôtel de la Fourche, personne ne put me donner des nouvelles de ma sœur. L'ancien propriétaire de l'hôtel avait passé en Californie. Le nouveau n'avait pas connu Henriette. Au consulat même, personne n'en avait entendu parler. Que faire? La chercher dans cette immense population des États-Unis, la plus nomade de l'univers? C'était chercher une aiguille dans une charrette de foin. Je repartis donc pour la France, où m'attirait le désir ardent de revoir Laure et de retrouver du moins une partie de mon bonheur perdu. Comme le cœur me battait en abordant au Havre. M'avait-elle oublié? Se souvenait-elle encore de moi? Était-elle à Zurich ou à Paris? M'avait-elle cru mort ou vivant? Il faut dire qu'après être resté 5 mois sans lui écrire, la traversée ayant été très longue et la fièvre jaune ayant succédé à la traversée, je n'avais pas manqué tout le reste du temps de lui écrire 1 fois par semaine, mais je n'avais reçu d'elle aucune réponse. À quoi devais-je attribuer ce silence? Je tremblais de crainte, je frémissais d'impatience. Avais-je quelque nouveau malheur à déplorer? M'avait-elle cru engloutie dans la mer des Antilles avec tout l'équipage de l'Antarctique? Cette idée me faisait frissonner, car enfin, si elle m'avait cru mort. Mais pourquoi m'aura-t-elle cru mort? N'avais-je pas écrit 100 lettres? Oui, mais pourquoi n'avais-je reçu aucune réponse? C'est dans cette incertitude que j'arrivai à Zurich. Je courus à la maison où j'avais laissé l'or. Parti. Je me sentis défaillir. « Monsieur, me dit le propriétaire de la maison, Mademoiselle Laure a cru d'abord que vous aviez péri quand elle a connu le naufrage de l'Antarctique, et elle vous a pleuré bien longtemps. Rien ne pouvait la consoler. Ma femme et moi, nous voulions lui donner quelque espérance. « Non, répondait-elle, si Gaston Phoebus vivait encore, il m'aurait écrit. « Mais je lui avais écrit, monsieur. Elle a toujours dit que vous n'écriviez pas. Enfin, un matin, après 6 mois d'attente, elle a reçu une lettre, je ne sais de qui, et elle est partie le jour même. Pour quel pays ? Elle ne nous l'a pas dit, mais elle allait en France. Nous l'avons beaucoup regrettée, car c'était une personne bien instruite, bien aimable, bien tranquille, et que tout le monde aimait dans la maison. Nous avons même essayé de la retenir, mais elle n'a rien voulu écouter. Dites, mon malheur était-il assez complet ? Henriette et Laure disparut en même temps, et moi, qui n'avais vécu jusqu'alors que pour elle, réduit à la plus sombre, à la plus affreuse solitude. Je pensais d'abord à me tuer, comme aujourd'hui. Puis un reste d'espérance me soutint. Laure était partie, mais n'était pas encore perdue pour moi. Le hasard pouvait me la faire retrouver. Sans doute elle devait vivre à Paris. Je l'y chercherais, je l'y reprendrais. Sur cette espérance, je partis. Je l'ai cherchée pendant 18 mois dans Paris avec une persévérance extraordinaire. Mais personne ne la connaissait, ou aucun de ceux qui l'avaient connue autrefois ne l'avait rencontrée. Cependant, il fallait vivre. Ma fierté plia sous la nécessité. J'allai chez M. Plotin, espérant qu'il ne refuserait pas de me recommander à quelque éditeur. Mais le grand homme me reçut avec toute la froideur imaginable, et eut même la bonté de me dire qu'il avait appris que je m'étais plaint de ses procédés envers moi. Qu'il n'en était pas étonné, ayant toute sa vie semé les bienfaits pour ne récolter que l'ingratitude. Qu'il se croyait donc dispensé pour l'avenir de continuer ce commerce ruineux. Qu'il n'aurait cependant pas refusé de me donner de l'occupation s'il avait eu de quoi m'occuper, mais qu'il avait en ce moment un secrétaire particulier et qu'il en était fort content. Il ajouta, en élevant la voix, ce qui me fit penser que le secrétaire était dans le cabinet voisin, qu'il ne pouvait pas renvoyer un jeune homme de ce mérite, et qui était appelé aux plus belles destinées. Que, quant aux éditeurs, un écrivain, qui avait fait, comme je m'en vantais moi-même, des travaux si remarquables que lui, Plotin, les avait copiés et mis sous son nom, ne devait pas être en peine pour faire publier ses livres. Évidemment, tous les libraires de Paris se disputeraient l'honneur d'éditer mes ouvrages. Ce discours achevé, M. Plotin ouvrit la porte et je descendis machinalement l'escalier, sans même penser à lui offrir la paire de soufflets, qu'en tout autre temps j'aurais cru lui devoir. Je continuai ma route sans savoir où j'allais, et je m'appuyai sur la balustrade du Pont des Arts, regardant tantôt l'institut où j'avais autrefois espéré entrer, tantôt la rivière et l'horizon rougi des derniers rayons du soleil couchant. Je réfléchis que j'en étais à mon dernier paletot, à ma dernière chemise, à mon dernier écu, à ma dernière espérance, et j'allais me jeter dans la Seine, lorsqu'en regardant autour de moi pour n'être dérangé par des spectateurs ou des sauveurs importuns, je vis venir de l'autre bout du pont un grand homme maigre à barbe grise qui me cria de loin « Eh, bonjour, cher ami, que faites-vous là? Vous regardez couler l'eau, noble et belle occupation. Voulez-vous travailler avec moi? Je fais un dictionnaire de tous les animaux. C'est une entreprise magnifique. 150 francs par mois, 250 lignes par jour. Et, ajouta-t-il en voyant le délabrement de mes habits, 100 francs d'avance. Est-ce convenu ? Je crus que la Providence m'envoyait ce sauveur. J'ai travaillé 18 mois sous sa direction avec 12 ou 15 autres infortunés qu'il n'enrichit pas plus que moi. Mais depuis 6 semaines, son dictionnaire est fini. Que faire, car mes ressources sont épuisées ? Ce n'est rien encore. J'ai déjà connu et supporté courageusement la misère. Mais comment supporter le plus grand, le plus terrible, le plus irréparable de tous mes malheurs? Hier enfin, après 18 mois de recherches inutiles, je l'ai revue cette Laure tant aimée pour qui seule j'aurais voulu vivre. Je l'ai revue. Mais où et dans quel état? Grand Dieu! Ah, ce loco qui m'achève et qui me précipite dans la mort! Hier, je me promenais lentement dans les Champs-Élysées, le long du trottoir, lorsque tout à coup, vers 6 heures du soir, au milieu du défilé des voitures de toute espèce, remplies de gens qui reviennent du bois de Boulogne et vont dîner, j'ai vu tout d'un coup passer comme un éclair l'or en calèche à 2 chevaux. Elle était enveloppée de fourrures magnifiques et plus belle que jamais. Hélas, oui, plus belle. Et ce n'est pas pour moi. Le temps était froid, mais sec, et le ciel pur. La calèche était découverte, et je voyais l'or aussi distinctement que si j'avais été assis auprès d'elle. Mais ce n'est pas moi qui tenais cette place d'honneur. C'était, comment le dire, c'était une charmante petite fille de 3 ans, sa fille, car elle l'a tirée par la manche pour lui faire voir je ne sais quoi sur le trottoir de mon côté, et l'appelait « Maman ». À ce mot, je me suis senti percer le cœur. Laure s'est retournée à regarder de mon côté. Elle a même paru frappée de quelques souvenirs ou de quelques ressemblances lointaines. Mais ma barbe, que j'ai laissée repousser, mon chapeau que j'avais abaissé sur mes yeux, et mon cachemire que j'ai relevé brusquement, l'ont empêché sans doute de me reconnaître. Voilà donc, pensais-je, sa fidélité. Où sont ses promesses d'amour éternel? Que fait-elle aujourd'hui? Est-ce un mari ou est-ce un amant qui paye le luxe qui l'environne? Car le doute est permis. Qui a pu oublier l'amour peut aussi bien oublier la vertu. Ah, perfide, voilà donc pourquoi tu me pressais de partir. Le devoir avant tout, disais-tu, et j'ai eu la candeur de croire à tes serments et de partir. Peut-être, dès ce temps-là, las de pauvreté, as-tu médité cette infâme trahison? Ah, si je le croyais. Je me sentais envahir par des pensées de meurtre. Mais ce qui est plus étrange, c'est que je ne pouvais m'empêcher de la suivre, quoique à pied. Et heureusement, la foule des voitures était si grande que la sienne a ralenti sa course. Je l'ai retrouvée aisément et suivie jusqu'à la rue Saint-Florentin. C'est là qu'est son hôtel. J'ai vu la voiture s'arrêter, le laquais descendre le premier et abaisser le marchepied. Je me suis approché, le jour baissait, et l'or, distraite soit par le soin de descendre, soit par quelques pensées secrètes, ne me voyait pas. D'ailleurs, je m'étais sans affectation, caché derrière un réverbère. J'ai vu son pied, si fin, si bien cambré, si délicat, se poser sur le marchepied. J'allais m'avancer, lui parler. Qu'aurais-je dit? Je n'en sais rien, car j'étais transporté d'amour, de fureur, de mépris. Mais tout à coup, la petite fille a dit « Maman, prends bien garde, tu vas tomber ». Ce mot m'a rappelé à moi-même. Qu'elle soit mariée ou non, qu'importe. Sa fille n'est-elle pas un témoignage vivant de sa trahison? Oh, misérable cœur! Sans ce cri involontaire d'un enfant, tu allais peut-être pardonner et reprendre ta chaîne. Et qui sait quel accueil t'aurait fait cette grande dame, qui ne va plus maintenant qu'en carrosse à 2 chevaux et sous l'escorte de 2 laquais? Peut-être, t'aurait-elle dit. Je n'ai pas de monnaie, mon brave homme, en confiant au Suisse de l'hôtel le soin de te fermer la porte. Cette réflexion m'a retenu. Non, ne soyons pas lâches dans le malheur. Mourons sans nous avilir. Cependant, une fois la voiture rentrée et la porte cochère fermée, j'ai voulu connaître le propriétaire de l'hôtel et le mari ou l'amant de l'or. Quel est cet hôtel? Ai-je demandé à l'épicier du coin. Monsieur, c'est l'hôtel de Boréas. À ce mot, j'ai tout compris, et j'ai couru jusque chez moi. L'or, me croyant mort, ou feignant de me croire mort, a rappelé M. de Boréas et l'a sans doute épousé. Fatale amitié! Qu'avais-je à faire de ce vieillard? Comment n'avais-je pas deviné qu'il serait un jour mon plus grand ennemi? Maintenant, ma résolution est prise et irrévocable. Vivre sans l'or est impossible. L'aimer après qu'elle a épousé M. de Boréas est encore plus impossible. Un amour si pur, si chaste, si profond, et qui était le seul de ma vie entière, ne peut pas être souillé par cet amer souvenir. Vivre loin d'elle en la méprisant me dévore le cœur. Pourrais-je la haïr? Pourrais-je surtout la mépriser? Non. Non, pas de lâche compromis. Mes pistolets sont prêts, ces mêmes pistolets que M. de Boréas m'avait donnés autrefois comme un souvenir d'amitié. Oui, j'aurais dû me défier de ce présent. Adieu. Je vais rejoindre ma mère et ma sœur que j'ai tant aimées. Pour toi, Laure, sois maudite, car je t'aime encore.